S comme souvenir, tous les vendredis entre 14h et 17h avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voilà donc, il est depuis 14h. On ira sous mon toit. J'ai des airs de Paris que j'ai volé en douce pour toi. Et sous tes doigts, fais-les vivre pour moi jusqu'à demain au moins, pour que je puisse me dire un jour qu'elle chante mon amour. La symphonie de Paname. Tu viens, ma tendresse, on ira sous mon toit. Ah.

enjôleurs, quelle odeur d'une fleur qui grise nos cœurs. Et plus ardent qu'un brasier dévorant qu'attise le vent. Sur une musique frénétique, un rythme obsédant monte et vous prend. C'est la samba brésilienne qui permet aux parisiennes, sans avoir l'air de toucher, chaque nuit de goûter les petits à côté du péché. C'est la samba brésilienne, née d'une chanson païenne, qui sent le moindre faux pas. Dans les bras d'un beau gars vous invite au débat de là-bas. Dansez, dansez, dansez sous la samba. Dansez, dansez, mais n'exagérez pas. Et hey, la samba brésilienne qui permet aux parisiennes, sans avoir l'air d'y toucher, chaque nuit de goûter les petits à côté du péché. C'est aussi ça. quatre pas en avant, quatre pas en arrière, quatre pas en avant, quatre pas en arrière, et sous le pont, et sous le pont, et sous le pont, et sous le pont, et la main droite, tournez, tournez, et la main gauche, tournez, tournez, et la main droite, tournez, tournez, et la main gauche, recommencez. Quatre pas en avant, quatre pas en arrière, quatre pas en avant, quatre pas en arrière, et sous le pont, et sous le pont, et sous le pont, et sous le pont, et la main droite, tournez, tournez, et la main gauche, tournez, tournez, et la main droite, tournez, tournez, et la main gauche, recommencez. Quatre pas en avant, quatre pas en arrière, quatre pas en avant, quatre pas en arrière, et sous le pont, et sous le pont, et sous le pont, et sous le pont, et la main droite, tournez, tournez, et la main gauche, tournez, tournez, et la main droite, tournez, tournez. Chansons différentes, voici tout simplement la liste avec des clics et puis un suivi de Céline Dion. Et après, juste après, on écoutera tout simplement du country. Bonjour, c'est Lélie sur Radio Arc-en-Ciel. Je préfère être différente plutôt que transparente. Oui, je vais exister. Je vais me libérer. Les ailes vont pouvoir se déployer.

Adam et puis un petit bonjour tout simplement à Alison. Un détail. Fermez la porte, tu viens de me quitter. Je te laisse partir, puisque tu l'as décidé ainsi. Je ne vais pas te mentir, que ma vie s'arrête ici. Voudras-tu si besoin te confier en copain? On fera semblant d'être les meilleurs amis, même si je dois souffrir. J'en aurai du temps à me dire des si, mais j'ai nos souvenirs. Alors tout n'est pas terminé encore. Laisse-moi le temps, oh, oh, le temps. Oublier tous nos sentiments, cette complicité d'âme sœur. J'aurais tout simplement touché le bonheur. En arrière-cour, auras-tu si besoin te confier en copain? On fera semblant d'être les meilleurs amis, même si je dois souffrir. J'en aurai du temps à me dire des si, mais j'ai nos souvenirs. Alors, tout n'est pas terminé encore. Yeah, yeah. Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps. Last night he called from Dallas. He was having a beer at Crystal Palace. He said, honey, you won't be alone for long. I gotta make just one more stop to pick up a ring in Little Rock. Then I'm gonna hit this semi straight for home. 14 wheels are winding, four big headlights shining. Him and that semi been away too long. Hope he don't get stopped for speeding, 'cause I've got everything he's needing waiting for him right here at home. Oh, he's got that big old engine singing, singing my favorite song. And I know he's heading my way, rolling down that highway the night my baby's gone. Since I kissed him and 40 truck stops since I held him tight. A million chicks and he can't get them. They wanna make love but he won't let them. The only thing he wants he'll get tonight. Oh, he's got that big old engine singing.

toda parte, pues ninguém sabe onde andará. Alguém me disse que a lua cheia, eu vou à praia e frente ao mar, levo flores e uma candeia, cabe o caminho para regressar. Está no céu a lua cheia, vestido branco e frente ao mar. Et la valse du gris au vent. Comme un refrain dans la brise qui doucement se précise, des souvenirs d'autrefois viennent danser au fond de moi. Il parle d'un paysage, d'un prénom et d'un visage, d'un mois de juin radieux et d'un sourire de tes yeux. Ah jeunesse, toi qui tresses la guirlande dans nos cœurs, tu nous quittes bien trop vite, remportant toutes les fleurs. De mes vacances, des bribes de souvenance viennent chanter bien souvent comme une valse au gré du vent. Jean Ferrat avec Les Saisons. Oh, les saisons. Pourquoi que j'ai mis cette chanson Les Saisons? Parce que tout simplement, il n'oublie pas que pour le samedi santo dimanche, eh bien, il faut reculer d'une heure. Voilà, déjà. Donc, c'est pour ça que Les Saisons. Et oui, donc, à partir de samedi et dimanche, donc, il faut reculer d'une heure. D'en trouver les raisons. Oh, les saisons. À tes pieds, tu seras l'été à ma bouche, l'hiver aux doigts bleus qui se couchent, nous serons printemps fous alliés. Oh. Sans me lasser, en guetter les rumeurs, en voler les ardeurs, en vivre à tes côtés. Oh, les saisons. Affamé, encore un été t'épanouir, encore un printemps t'enflammer, un seul automne pour en rire. Oh, les saisons. D'en distiller les fleurs, d'en jalouser chaque heure, d'en mourir sans raison. Oh, les saisons. Avec la paix. Les colombes dorment à l'ombre de grands oliviers vieux comme Hérode. Les noms que veut par ces orçons. La paix, la paix, la paix, la paix. Un coin de terre pour se promener, une rue pour parler aux voisins, un banc pour voir les gens passer, une plage au soleil pour les bains. La paix, la paix, la paix, la paix. Musique d'une mandole pour Les colombes dorment à l'ombre de grands oliviers vieux comme Héroute. Elles attendent chaque toujours plus nombreux qui veulent qu'elles reviennent à la mode. La paix, la paix, la paix, la paix.

Et un petit coucou tout à l'heure à Florian. Thank you. tive desgostos nesta vida e até perdi as forças e a vontade de viver. Mas Deus deu-me coragem para seguir o meu caminho sem nada a temer. Quantas vezes eu rezei chorando, meu Deus, não me abandonas e ensina-me a sonhar. Agora quando canto tenho uma luz que me guia para me acompanhar. Sempre que a tristeza me invade, eu digo que o dia amanhã vai ser melhor. Assim sobrevivo, sem mágoas nem lamentos, rezando ao Senhor. Eu tenho fé em Deus, por mais que a minha vida não queira sorrir. Eu acredito nesta luz. Uma vez para me dizer, vais ficar melhor. Quantas vezes implorei gritando, meu Deus, vem me acalmar que eu não consigo mais dormir. E logo a minha alma fica cheia de esperança, volto a ser feliz. Sempre que a tristeza me invade, eu digo que o dia amanhã vai ser. Vocês sabem que no dia 9 de novembro há uma grande festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel na Sala Montesson em Saint-Jean-Blanc e que a convidada dessa festa vai ser a grande artista Maria Lisboa. Então tome nota, é no sábado 9 de novembro na Sala Montesson em Saint-Jean-Blanc com a Maria Lisboa e o baile vai ser animado pelo grupo 25 de Abril. A entrada é só de 12 euros e 10 euros para todos os sócios da Rádio Arc-en-Ciel. Maria Lisboa pela primeira vez em Orleans com seus bailarinos é no dia sábado 9 de novembro na Sala Montesson em Saint-Jean-Blanc, uma festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel. A Maria não vai com todos, mas nós podemos ir ter com ela, não é? Então contamos com vocês. Eu não quero ser mais uma para ti. Voici donc le Café Russe, et c'est tout simplement, eh bien, Betty Mars. Je t'aime. Te le dire, je t'aime, tu sais, et toi ça te fait sourire, je t'aime, c'est vrai, ça me donne envie de vivre. Cette chanson tendre, je rêve, je pense, j'attends cette heure que tu rentres pour t'emmener danser sous un ciel de velours. Décembre, dans un grand lit de fleurs séchées, où l'on s'aimera tant. Et puis, un jour, on se dit, c'est difficile, la vie, ma vie, avec toi. C'est impossible, tu sais, pour nous, il vaut mieux qu'on se sépare, sans trop de bruit. Alors, je t'aime, c'est vraiment sans importance. C'est loin, ça ne te fait plus sourire. Je t'aime, c'est rien. On a le temps de revivre. Dis, laisse-moi danser sous un ciel de velours tendre. Plein mois de décembre, dans un grand lit de fleurs séchées, dont je rêve. Voici tout simplement, eh bien, Kenji Girac avec Thiago. Un petit bonjour à Brice, disons, mamie, Fernande. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Aussi de moi, dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, ne quitte pas, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, Tiago. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le dire. Bonjour, tout simplement, avec trois titres différents. Le premier, c'est Marie-José, suivi du Paso qui passe maintenant. Marie-José et puis Irina qui est ici. Ah, Monique, voilà un petit bonjour. Garder tout ton cœur. En t'en allant, tu fis doucement. N'oublie pas nos serments et notre beau roman. Mais quand tu vis ma tristesse et dans mes yeux quelques pleurs, tu murmuras, chérie, comprends-moi. Il n'y a que toi, rien que toi, Virginia. Ni le temps, ni l'absence ne pourront, mon amour, effacer tant de jours de bonheur. Virginia, quand viendra le silence, avant de m'endormir, tous nos chers souvenirs seront là dans mon cœur. S'il ne un instant de patience, mon amour attendra ton retour. Virginia, avec un peu de chance, nous aurons mieux qu'avant un bonheur triomphant de l'absence et du temps. Si tu voyais la cachette où s'abrita notre amour, rien n'est changé, tes livres sont là, tu les retrouveras lorsque tu reviendras. Alors chérie, quelle fête,

une violence pour un verre de trop. Et l'amour devient salaud. De ta gaieté en insolence, rythme cette violence envers celle que tu as aimée. Parce qu'un jour elle a voulu t'aimer. Souviens-toi de ses douleurs, juste parce qu'un jour tu as fait battre son cœur. Sors de ce silence, si seulement sa violence soit sa propre souffrance. Mais fais battre un cœur sans coup ni douleur. Tu verras briser en rupture des mots sans armure. Femme n'est pas souffre douleur. Femme est le refuge de ton cœur. Une jalousie macho, parce que c'est toi le salaud. Te donner tous les droits, juste parce que le mal c'est toi. Oui, mais sans une issue complexe, un jour elle sera ton ex. Car ta violence ne suffira qu'elle ne soit plus la chair de ton combat. Sors de ce silence, si seulement sa violence soit sa propre souffrance. Mais fais battre un cœur sans coup ni douleur. Tu verras briser en rupture des mots sans armure. Femme n'est pas souffre douleur. Femme est le refuge de ton cœur. Son corps, de l'amour à la mise à mort, comme un torero, tu n'en sortiras pas en héros. Le regard de tes enfants, pleurant, suppliant, du mal fait à celle où un jour tu lui as offert le mot maman. Silence, si seulement sa violence soit sa propre souffrance. Mais fais battre un cœur sans coup ni douleur. Du verre brisé en rupture, des mots sans armure. Femme n'est pas souffre douleur. Femme, le refuge de ton cœur. Sors de ce silence, si seulement sa violence soit sa propre souffrance. Mais fais battre un cœur sans coup ni douleur. Pas souffre douleur, femme a juste le droit au bonheur. Voici donc Nat Alia et son titre s'appelle Entrer dans la lumière. Entrer dans la lumière comme un homme

morceau. Le titre s'appelle « Serre-moi ». Serre-moi contre toi, ce n'est pas qu'il fasse froid, mais j'ai peur de l'aurore, de cette vie qui défile. Serre-moi fort, lorsque la nuit s'en va, c'est peut-être inutile, mais serre-moi contre toi. Serre-moi dans tes bras, pas comme au cinéma, ne fais pas semblant, je veux ton souffle chaud. Serre-moi, serre-moi tant, là au creux de mon cou, sentir ces bouts de peau, me caresser les joues. Toi, c'est ma bulle, c'est mon toit. Ah la la la la la la, l'abri de la vie. Loin de tous ces faux rois. Serre-moi, serre-moi fort. Dis-moi, tu m'aimes encore. Entoure-moi de ce fil qui me serre contre toi. Rassure ce bout de moi, ces jours qui s'évaporent. Dis que tu m'aimes encore. Dis que tu m'aimes encore. Dis que tu m'aimes encore. Du ciel. belle Asie. Je suis du ciel et de la terre. Oh, oh, oh yeah. Ici, ça s'envole ma vie. S'éloigne la pluie. C'était là. La différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, une circonstance. La différence.

Obrigada ao público presente. Mas também agradecemos aos nossos patrocínios. DCM de Castro, tout revêtement, muraux, décorations, peintures et sols à Orléans. L'entreprise Emilio Dias, électricité générale à Olivet. Les amis du bâtiment, tout type de revêtements de murs et de sols sur Saint-Jean-de-la-Ruelle. Aldora Construction, maçonnerie, carrelage et travaux divers sur Fleury-les-Aubrais. L'entreprise Alberto Coelho, maçonnerie, carrelage, peintures intérieures, extérieures sur Orme. L'entreprise Olivera, peinture extérieure, menuiserie, étanchéité à Olivet. Les établissements Mariano, au Cave du Portugal à Semois. Et l'entreprise S&N, maçonnerie Ravalement à Saint-Jean-de-Bray. Un grand merci à tous. A todos, um grande obrigado. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 516 Faubourg Vanier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Tricia. Ah, je suis sirène du Archélance. Eh, tu veux du miel? Eh, Bobo, quand normalement avec cet accent de Paris beau là, tu tiens de drôle. Vous chiez, vous êtes comme Suzanne. Quoi, je suis pas ti? Chichetti, fermé de kiff. Parce que. Mi, je suis ch'ti. Dans une région où il y a des terres, nos maisons elles sont rouges, il y a des baraques à frire. Ma terre est au mineur et l'air est couturière. J'ai pas qu'un pot de soleil, j'ai d'un cœur, j'ai pareil. Et ben évidemment, je vous cause du nord pas de Calais. Et ben évidemment, je vous cause du nord pas de Calais. Michichi, un ch'ti, j'te le dis. Michichi, et j'suis bien être ch'ti. Michichi, un ch'ti, j'te le dis. Michichi, et j'suis bien être ch'ti. Et j'suis bien être ch'ti. Et j'suis bien être ch'ti. Un, t'es deux. J'ai pas le un, deux, trois. Hein. Faut que je sorte de love et de juice. Un, bravo Bidou. Ça va faire la fête, elle fait pas à moitié. Elle aime chez Fricandel, un homme bien bien glacé. Chez nous il y a la mer, avec chez Cher Volant. Carnaval Dunkerque et un petit kéké. Et ben évidemment, je vous pose du Nord pas de Calais. Et ben évidemment, je vous pose du Nord pas de Calais. Michichi, un ch'ti, j'te le dis. Michichi, et j'suis bien d'être ch'ti. Michichi, un ch'ti, j'te le dis. Michichi, et j'suis bien d'être ch'ti. Et j'suis bien d'être ch'ti. Et j'suis bien d'être ch'ti. Oh bah ouais, j'suis comme Sean. Faut pas rogner Serachine. C'est vrai que t'es vrai de faux. Un temps que t'es arrivé, qu'un t'es va t'en aller. J'étais pas compliqué, viens ici un bidon. T'es mon pas d'homme région, sinon ben t'as une tête de kiff. Et ben évidemment, j'vous cause du Nord pas de Calais. Et ben évidemment, j'vous te dis, mi chuchi, et je suis bien d'être ch'ti, et je suis bien d'être ch'ti, et je suis bien d'être ch'ti. Tout simplement Mitucci, et bien voici tout simplement et bien Delphine Patou avec le titre, pardon, le titre ça s'appelle Mélodie. Et puis suivi de Céline Dion. La mélodie de mon amour habille les mots des sentiments que j'ai pour toi depuis toujours, que j'ai pour toi depuis longtemps. La symphonie de mes envies, c'est à moi qu'en est qui va mûler le jour, la nuit, dans la chaleur de ta fusion. Comme une envolée de violon, mon cœur décolle vers toi, il vient te chanter la joie. De la tendresse, moi le violon de la passion. Et quand nos âmes se caressent, c'est pour jouer dans l'émotion. Une partition d'amour intense, avec des notes à l'infini, pour que nos corps dans une danse, dansent l'amour. Je le sens, je le sais. Et son sourire ne ment pas. toi le sillon que tu creuses d'une main généreuse dans ma peau de bois. Le ciseau qui chemine dans la masse dessine le plus beau morceau de moi. Je t'en prie, desserre-moi jusqu'au cœur de mon bois. Pour toi j'ai roulé si loin de ma souche. Taille bien dans le fil de mon histoire qui défile par petites touches. Je m'abandonne entre tes mains d'artiste. Je m'abandonne entre tes mains d'artiste. Et je suis léger comme l'air, lourd comme la terre, bien plus gros que le monde. Comme la terre, léger comme l'air, lourd comme la terre. Chaque coco qui tombe, comme la terre, léger comme l'air, lourd comme la terre. En moi plus rien ne tremble. Comme la terre, léger comme l'air, lourd comme la terre. Dis-moi à qui je ressemble. Dis-moi à qui je ressemble. Si qui t'arrête, mon image s'apprête. Toi qui sors du loup de mon bois. Je sens le rameau que tu glisses comme une douce hélice d'école qui t'excède moi. Chaque courant du chaos, voilà qui émerge comme de l'eau. Cette vie bien plus grande. Format à guiser, si du moins le tas de vise rêve avec toi. Je m'abandonne entre tes mains d'artiste. Je m'abandonne entre tes mains d'artiste. Je suis léger comme l'air, lourd comme la terre, bien plus grand que le monde. Comme la terre, léger comme l'air, lourd comme la terre. Chaque coco qui tombe, comme la terre, léger comme l'air, lourd comme la terre. En moi plus rien ne tremble, comme la terre, léger comme l'air, lourd comme la terre. Dis-moi à qui je ressemble, dis-moi à qui je ressemble. Quand je suis léger comme l'air, lourd comme la terre, léger comme l'air, lourd comme la terre, léger comme l'air, lourd comme la terre. Léger comme l'air, lourd comme la terre, léger comme l'air, lourd comme la terre, léger comme l'air, lourd comme la terre. Je suis léger comme l'air, lourd comme la terre, léger comme l'air, lourd comme la terre. Voilà, juste un instant, vous avez pu entendre Olivier Cobé. Tu vois que je ressemble. Voici Sevi Campos et puis suivi de Kenja. Oh. sang. Juste gagner notre pain. Moi sur les bancs de l'école. Tu sais, ce n'est pas très drôle. Je t'attends la nuit, le jour. Je crois quand j'ai peur, papa. Je t'attends quand t'es pas là. Je sais pour moi ton amour. Viennent bercer mon enfance. Tu viens chauffer ma raison. Tu es un bout de bonheur, blotti au fond de mon cœur. Je cherche toujours tes bras. Quand tout va, je dis papa. Je t'attends la nuit et le jour. J'ai froid quand j'ai peur, papa. Je t'attends quand t'es pas là. Je sais pour moi ton amour, ton amour. Je t'attends la nuit et le jour. J'ai froid quand j'ai peur. Quand vient le plus grand moment, tous ensemble avec maman. Le temps me semble plus doux, mais il est bien trop court. Je t'attends la nuit et le jour. J'ai froid quand j'ai peur. Tout simplement les autres émissions différentes. Donc à partir de 17h jusqu'à 19h, eh bien vous allez tout simplement retrouver l'émission de Manuel avec l'émission découverte, suivie de 19h 20h30 avec l'émission de Teresa, et puis juste après entre 20h30 jusqu'à minuit, l'émission d'Almino avec Marika. Samedi donc le matin à partir de 9h jusqu'à midi avec l'émission de Christine, portée en le Corésien, juste après midi 14h, Carla juste après entre 14h et 16h, Victor avec Portugal Mix, suivi de 16h, 18h, si vous aimez bien l'accordéon, avec Michel, le festival du samedi soir. Et puis après, entre 18h et 20h, avec le sport, avec Porte Verte au sport, avec José, Bruno et Arjamiro. Et puis juste après, pour la fin de la soirée, à partir de 20h, 22h, avec Karim et Nourian Dim, avec Orien Chou. Voilà donc, et puis pour le dimanche, le dimanche matin avec Antonio et puis Mathieu entre 8h et 10h, Pantan Dougalo. Juste après l'émission à vous, avec le téléphone sonne entre tout simplement 10h, 12h30. Donc c'est à vous de choisir les chansons que vous voulez avec Katia, Jérôme, Mélène et Alex. Et puis donc retour avec l'accordéon avec Michel entre 12h30, 15h. Checo. C'est un peu de chansons, de musique, un peu de jazz rock. Sortir la poubelle au dîner. Combien qui croient faire mon bon Dieu, mais abandonnent leur vieux. Combien mourront sans une idée? Combien de fois t'es déjà dit? Combien tu dois rester poli? Pas fourrer tes doigts dans ton nez, sortir la poubelle au dîner. Combien qui croient faire mon bon Dieu, mais abandonnent leur vie. Avoir les pieds sur terre, sans regarder ses pieds, et sans en avoir l'air, voir plus loin que son nez. À petits pas, chasser la médiocrité, et faire un pied de nez à la morosité. Sur la pointe des pieds, la tête sur les épaules. l'instant, vous avez pu entendre tout simplement Marie. Bon, et juste maintenant, voici un petit coucou tout simplement à l'Élise. Sois bien tranquille, ma chérie petite. Je donnerai des secrets pour moins souffrir. Quand tout va mal, la bonne suffit. Alors lève les yeux au milieu du grand miroir bleu. Puisqu'un oiseau est si fragile, puisque les montagnes sont si belles, puisque les lumières dans les villes, puisqu'une chanson nous rappelle que l'amour est partout. Alors tu resteras mon tour. Yeah. après le jazz, voici donc Mireille et Mathieu, Mille Colombes. C'est cette chanson qu'on va se guetter, qu'on va se retrouver donc la prochaine émission. Voilà donc, eh bien, dans quelques minutes, je vous laisse avec l'émission Découverte avec Manuel, et puis juste après Teresa. Voilà donc, et puis Albino juste après aussi. Donc voilà, donc pour les émissions qui suivent. Donc on se retrouve, comme je dis, la prochaine fois. Et puis n'oubliez pas qu'entre samedi et dimanche, eh bien, reculez d'une heure. Et oui, déjà, ça passe vite. Bon sang à tous et à toutes. Tu ne fais rien pour me séduire, mais tu m'enveloppes d'un sourire et je suis dans tous les états. Tu ne fais rien pour que je t'aime, ça revient tout même et je fais tout moi pour t'aimer comme ça. Tu ne fais rien pour me comprendre, mais le soir tu restes dans ma chambre et je m'endors entre tes bras. Alors tu dis dans ton sommeil ce que tu me caches le jour. Sur ton cœur je mets mon oreille et je l'entends parler d'amour, de notre amour qui vient au monde comme un blé qui lève, un blé qui monte et que l'on voit fleurir des gens. Chavira, j'ai envie de rire et de chanter, envie de rire et de crier, envie de rire et de pleurer de joie. Tu ne fais rien pour que je t'aime et je fais tout moi pour t'aimer comme. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. J'inspire tous les parfums du printemps. Je regarde les choses, les bêtes et les gens. Moi, je me balade. J'écoute les éternels boniments du petit camelot qui vous vend du vent. Je regarde jouer les petits enfants et je me balade. Je vais voir les marchands de quais aux fleurs. J'achète un brin de muguet, ça porte bonheur. Mais du bonheur, il y en a un peu partout. Il faut savoir le prendre et voilà tout. Il n'y a pas besoin de courir tout le temps. C'est tellement mieux de vivre en planant. Et c'est pour ça que tout en souriant, moi, je me balade. Mais oui, chère madame, j'ai aussi un cœur. Et bien souvent je rêve. Seulement voyez-vous, j'attends que sonne l'heure du grand amour vainqueur. Quand je vois une femme qui me plaît un peu, je m'arrête et je lui fais les doux yeux. Puis je repars, je crois que ça vaut mieux. Moi, je me balade. Si par hasard elle me plaît beaucoup, je lui demande un rendez-vous, Champs-Élysées, le bois n'importe où, et on se balade. On fredonne des chansons, on cueille des fleurs, on dit des choses qui concernent le cœur. Et puis le soir, lorsque l'on s'est tout dit, on se quitte pour toujours et c'est fini. La liberté, moi je ne connais que ça, je suis plus heureux que si j'étais roi. Et c'est pour ça que toujours tu m'aimes pas. Moi, je me balade. Mais si un jour je trouvais enfin d'être rêvé, croisant mon chemin, je serais comme tout le monde et ce serait la fin de ma balade. De ma balade. De ma balade. De ma balade. Spécialisé dans la rénovation, le ravalement, l'isolation et la peinture,